l'aube se lève, voile de mystère. Les ombres dansent sous l'air humide et clair. Right as qu'il marche, silhouette solitaire. Chaque pas résonne, défie à la lumière. La terre ploie sous nos pas assurés. Le vent murmure les secrets oubliés. Les cicatrices parlent des nuits d'orage. La survie s'écrit à chaque page. Une étincelle brille dans le regard. Le feu sacré pour repousser le noir. Les voix s'élèvent, prières en sourdine. Sous la canopée, la paix s'illumine. Raid ce qu'il veille, bras prêts au combat. L'espoir s'accroche à chaque pas. Le lien visible tissé dans la creux. Force silencieuse qui jamais ne songe la brume. Plumes épaisses, cœur ardent. Nos âmes brûlent, défiant le temps. Riders qui avance, l'ombre en alerte. Chaque instant forge notre conquête. Forêt d'ombre obscure, passion fragile, notre foi qui. Le silence éclate en un cri soudain. Les ennemis tombent sous notre chemin. Nos voix s'unissent dans la bataille. Chant de guerre farouche et sans faille. La lutte forge nos destins d'acier. Ici sur cette terre, rien n'est donné. On panse les plaies, on relève la tête. Chaque perte nourrit notre conquête. Le sang versé devient promesse. Dans le cœur résonne la sagesse. On tient la ligne. Le ciel gris, toujours vaillant. Le vent s'élève, tambour puissant. Les esprits s'élancent, prêts au combat. L'aube, un souffle ardent, uni dans la lumière et le fracas. Les pas martèlent, le sol ancien. Le cri s'élève, la forêt tremble. Dans cette lutte, nul ne semble. Nos cœurs battent, rythmes en fusion. Soldats d'un monde en perdition. La nuit tombe, douce et fragile. Sous les étoiles, le souffle vacille. Mais la force reste silencieuse et présente. Riders qui sourit, prêt à s'élever. Même quand la forêt semble apaisée. Un feu s'allume, éclat de vie. La troupe s'élance, unie et hardie. La marche continue, battement. épaisse, cœur ardent, près de ce qu'il guide, l'âme en avant. Dans Ruste, nos voix percent la nuit, chaque victoire construit la vie. Unis par le sang, la foi, la terre, c'est notre monde, notre guerre. Le jour se lève, la brume se dissipe, mais le combat vit dans chaque fibre. Ailleurs qu'il s'éloigne, fier et droit, dans la forêt, la bataille est loi. Oh. Elle est